La baba et la poule. Fable. Une poule pondait tous les jours un œuf. Sa maîtresse pensa que si elle lui donnait une nourriture plus abondante, celle-ci pondrait le double. Et elle en fit l'expérience. Mais la poule engraissa et cessa complètement de pondre.